À l'occasion du 45e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet, le comité de solidarité britannique pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne a publié une déclaration. Elle souligne que les principes essentiels de la réunification de la Corée précisés dans la déclaration commune du 4 juillet se sont reflétés intégralement dans la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre. Elle témoigne aussi du soutien absolu à la lutte du peuple coréen pour réaliser la réunification indépendante du pays sans ingérence des forces étrangères.